cassé. Infraction pour la panse, pas tout à la violence. Pardon et liberté, ce sont tes réponses. Je n'ai pas tué, mais tu cries aux hommes de loi. Je n'ai pas tué.